Ligne RRD, Ferdinand, Trey, nos gens, un style pour TRD, des mauvais gars, des noirs, hey, urgence, personne ne peut nous arrêter, conscience qu'à la mort apprennent les gens pour mes gens, une bonne rage pour les méchants, 60 intelligents, gens, appelez les gens, mettez les antennes, nos gens rap de paysans, part pour plaisanter dans le 60 ans, ils sont nés des centaines, d'MC vont sentir la sentence, Arun Star, un Galsen, 60, 100, 80 les 100, sois en sur une nouvelle onde naissante, dans tous les centres, ici on se concentre, va te faire bouger dans tous les sens, va te faire foutre, j'ai de la poutre si tu veux mon sang, mon son, dans ce monde, des sauces et des mensonges, récemment on m'a jeté au lion, tout cesse, ces troupes qui connaissent la fellation, j'ai déjà fait de l'action, je bouge pour ma nation, continent africain, j'aime le charbon, noir, t'auras bien voulu être un harpon pour ta gloire, regarde, regarde, on bicrave du son des guests, du concessionnaire, et t'es grave, choqué qu'on s'énerve, rap des missionnaires, OMI c'est nous des narcotiques, SM commercial et toutes ces merdes qui font tourner le commerce, 60 et ses connaisseurs, assume même des qu'on est seul, mais pas tous, pas touche à mon cercle vicieux, un gros laisse, négro balèze dans la salle, mon seul but le savoir, être présentable, ne pas être sale et MC dans tes pattes, t'attends mais du sel et les sauts, c'est nous en concert, des textes on en conserve, c'est terminé, dit aura français qu'on les concerne, les 60 c'est nous nos gens sur moi, ces mots garçon, chelou, chelou, si vous le mettez tous dans le même sac, 2007 c'est du lourd, devine c'est qui c'est des loups, buzzer, buzzer et pas un look de loser, si tu nous loues, pull up, j'ai blanc, mais venez me pêcher 72 heures, et les troupes teasers qui mettent les blousons, retournez les pas pour nos pères,